Le porte-parole du comité coréen de mesure pour le problème des victimes de l'esclavage sexuel au service de l'ancienne armée japonaise et de la réquisition forcée a publié le 16 courant une communication relativement à ce que Nikai, secrétaire général du Parti libéral démocrate japonais, a profané et menacé lors de son périple en Corée du Sud comme envoyé spécial du premier ministre Abe, les Sud-Coréens réclamant une nouvelle négociation sur l'accord pour le problème de l'esclavage sexuel au service de l'armée nippone. Il indique notamment « Le 10 dernier, en Corée du Sud, Nikai a dit devant son cortège et des journalistes qu'il faut supprimer les intrigants minoritaires sillonnants en appelant à s'entendre bien au lieu de se disputer pour les choses insignifiantes. Il s'agit des propos arrogants adressés aux Sud-Coréens qui demandent l'abolition de l'accord en question. C'est une insulte et un défi insupportable pour toute la nation coréenne qui veut régler à fond les anciens crimes japonais. » Le pire, c'est la conduite des autorités sud-coréennes qui n'osent pas prononcer même un seul mot juste devant l'impudence de la réaction japonaise et flattent le Japon avec les termes de coopération coréo-japonaise à tendance future. Cela évoque les comportements des traîtres pro-japonais de la bande de Park Geun-hye qui avaient tout fait pour appliquer l'accord sur le problème de l'esclavage sexuel malgré la protestation des Sud-Coréens. C'est un servilisme pro-japonais intolérable, attisant l'effronterie des réactionnaires japonais et déshonorant l'orgueil de la nation coréenne. Les autorités sud-coréennes doivent savoir clairement qu'elles ne pourront éviter l'isolement extérieur plus tragique si elles font des bassesses au Japon sans contester l'accord précité à l'encontre de la demande de toute la nation coréenne. Tous les Coréens du Nord, du Sud et de la diaspora sont tenus de ne point tolérer l'effronterie de la réaction japonaise et de livrer plus énergiquement la lutte pan-nationale visant à éliminer les traîtres pro-japonais qui vendent les intérêts et la dignité nationaux.